Bonsoir mesdames et messieurs, c'est le mardi journal en français de ce soir. Tout d'abord les titres. L'insuffisance des infrastructures scolaires et le manque des bancs pupitres sont certains défis auxquels font face le secteur de l'éducation au Burundi. Et la coalition spéciale des syndicats des enseignants pour la solidarité nationale et Cosesona s'inquiète par rapport à la mesure de mise en retraite des fonctionnaires de l'État à 60 ans. Emmanuel Machanda, le vice-président de la coalition, va s'exprimer. Et le taux des malades mentaux augmente de plus en plus en province de Gitega où le centre des soins mentaux a déjà soigné plus de 4000 malades. Et voilà pour les titres. Albert Ndouaï aussi la mise en onde. Jean-Marie Mayonga à la présentation. Bienvenue. Captez Isanganiro, écoutez la différence. La coalition spéciale des syndicats des enseignants pour la solidarité nationale et Cosesona s'inquiète par rapport à la mesure de mise en retraite des fonctionnaires de l'État à 60 ans. Le vice-président de cette coalition parlait de plus de 2900 enseignants concernés. Cependant, certains d'entre eux n'ont pas encore atteint cet âge à la retraite et cela impacte négativement la vie de ces fonctionnaires. Emmanuel Machandari demande à l'État d'attendre l'arrêt du salaire des fonctionnaires et de préparer les textes d'application. Suivez-les au micro de Mireille Kanyang. Avec cette modification, nous assistons à un départ, je dis un départ massif à la retraite de beaucoup d'enseignants, de beaucoup d'agents de la santé. Pour le cadre de l'éducation, nous avons environ 2937 enseignants qui vont partir à la retraite. Mais malheureusement, parmi les 2000 combien qui vont partir, il y en a qui n'avaient pas encore atteint l'âge de départ à la retraite. Alors la grande question qui se pose, c'est laquelle ? Aujourd'hui, au niveau de la fonction publique, on va basculer de l'ancien système vers le nouveau système. Ça veut dire quoi ? Dans le système de rémunération, il y avait le système de salaire de base, il y avait les primes et indemnités. Maintenant, nous entrons dans un système où on ne considère que ce qu'on appelle la part indiciaire et la part emploi. C'est une grande modification au niveau du système de rémunération. Et l'enseignant ou l'agent de santé qui va se retrouver dans cette liste, alors qu'il n'avait pas encore atteint l'âge de partir à la retraite, aura des difficultés pour être rétabli dans ses droits. Deuxièmement, cette mise en application de la loi portant statut d'aide de fonctionnaire a une implication sur les engagements que le fonctionnaire avait pris auprès des institutions financières et bancaires. Maintenant que l'on faisait décourter la période, on se demande si il lui restait 2 ou 3 ans, qui va prendre en charge son manque à gagner ? On a en fait anticipé. Troisième question qui hante les fonctionnaires. Hier, le ministère de la fonction publique a sorti un communiqué. Et ce communiqué est venu pour jeter le pavé dans la mare. À travers ce communiqué, on informe les fonctionnaires que les lettres de mise en retraite vont sortir au mois de septembre. Alors que leur salaire a été désactivé à partir du mois de juillet. On se demande alors ce qui va se passer dans l'entretemps. Est-ce que les fonctionnaires seront privés d'une rémunération? Parce que la fonction publique ne va plus le rémunérer, on a déjà désactivé. Les documents à présenter au niveau de l'ONP ne sont pas encore disponibles, alors il ne sait pas sur quel pied danse. Même au niveau des engagements, est-ce que le fonctionnaire ne sera pas frappé par les intérêts de retard? Il faut qu'il y ait quand même une période d'attente. Il faut que le gouvernement puisse tenir compte de ces inquiétudes, que l'on attende l'arrêt du salaire du fonctionnaire et que l'on prépare très rapidement les textes d'application de la loi portant pension pour les retraités. Emmanuel Machandari, il est le vice-président de la coalition Cosesona. Et le Conseil des ministres est tenu mercredi de la semaine en cours à déplorer l'attitude du Comité des droits de l'homme lors de sa 38e session des droits de l'homme qui a invité à cette session des personnes poursuivies et condamnées par la justice burundaise. Lors de ce Conseil des ministres, le gouvernement burundais considère qu'il s'agit pour le Comité des droits de l'homme de promouvoir l'impunité et invite par conséquent le comité à se ressaisir. Suivez cet extrait du compte rendu de ce Conseil des ministres. Le Conseil des ministres a déploré l'attitude du Comité des droits de l'homme lors de la 138e session du Comité des droits de l'homme tenue à Genève, qui a invité des personnes poursuivies et déjà condamnées par la justice burundaise aux côtés de la délégation burundaise. au moment où le Burundi devait présenter son troisième rapport périodique sur les droits de l'homme au Burundi devant son comité du 3 au 4 juillet 2023. Le gouvernement du Burundi considère qu'il s'agit pour le Conseil des droits de l'homme d'une façon de promouvoir l'impunité qui est l'antipode de la protection et la promotion des droits de l'homme au moment où le Burundi s'attelle à combattre l'impunité pour protéger et promouvoir les droits de l'homme. Le gouvernement du Burundi félicite la délégation burundaise à cette session pour l'attitude responsable, patriotique et citoyenne qu'elle a adoptée. Le gouvernement du Burundi invite le comité des droits de l'homme à se ressaisir et éviter de prôner une chose et son contraire. C'était Prosper Nawamie, il est le porte-parole secrétaire général du gouvernement. L'insuffisance des infrastructures scolaires, le manque des bancs pupitres et les matériaux didactiques sont certains défis auxquels font face le secteur de l'éducation au Burundi. Cela a été dit ce jeudi par le conseiller du ministre de l'Éducation lors d'une table ronde avec les bailleurs du ministère de l'Éducation. Malgré cela, Anatole Niyonkuru précise que le gouvernement du Burundi a amélioré les conditions d'apprentissage dans les écoles en rendant disponible plus de 25% dans le budget national. Suivez-le. Le système éducatif burundais, il tient bon par rapport à nos attentes. Et en dépit de certains défis qui sont relevés, la journée a été consacrée à une table ronde qui a été organisée par le ministère avec les partenaires de développement en vue de mobiliser des fonds supplémentaires pour soutenir beaucoup plus l'enseignement fondamental. Parce que l'enseignement fondamental, c'est la base de tout. On ne peut pas penser à faire une toiture ou à élever des murs sans fondation. Donc oui, c'était une occasion pour les uns et les autres, les cadres du ministère de l'Éducation nationale et de recherche scientifique et ses partenaires. Tenir aussi la société civile, de s'asseoir pour voir comment financer encore une fois à plus de façon interne et externe le secteur de l'enseignement fondamental pour qu'il soit assaini au niveau de ses défis. Le gouvernement, jour et nuit, il se débat pour offrir des conditions meilleures d'apprentissage aux élèves. Le gouvernement construit à partir du budget de l'État, construit les écoles, les communautés construisent, les partenaires au développement amènent leurs fonds pour construire. Donc il y a toute une synergie d'acteurs qui contribuent et le gouvernement n'a jamais cessé de contribuer beaucoup plus à l'éducation. En offrant d'ailleurs une part de budget un peu colossale, disponiser plus de 25% de budget national pour le secteur de l'éducation, c'est grand chose. L'État recrute les enseignants, il y les paie régulièrement, aucun enseignant ne manque son salaire à la fin du mois. Il y a les livres qui sont achetés, qui sont distribués, plus de choses qui sont exécutées par le gouvernement. Mais malgré cela, le ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique fait encore face à certains défis qui ne sont pas encore relevés du fait d'une démographie galopante. Selon Kassier Gashira Mouyande, représentant des associations chargées de contrôler l'éducation au Burundi, l'un des participants a fait savoir que la politique gouvernementale et de la gratuité de l'éducation a permis l'augmentation des élèves dans les écoles. Il affirme que cela ne facilite pas la tâche des enseignants. Et le Burundi a enregistré des progrès en matière de la langue Kiswahili, propos tenus en marge de la célébration de la journée internationale et des Kiswahili ce vendredi à mairie de Bujumbura. Dans ces cérémonies, le gouvernement burundais a été appelé à corriger les irrégularités qui figuraient dans le manuel scolaire du fondamental et dans l'objectif de continuer à promouvoir cette langue. Le point avec Jean-Dodier Irakodze. Selon les participants, la célébration de la journée internationale dédiée à la langue Kiswahili est une occasion d'échanger sur le développement de cette langue, comme le souligne l'ambassadeur de la Tanzanie au Burundi, Dili Elibariki Mareko. Pour atteindre cet objectif et en notant les progrès déjà réalisés par le Burundi en cette matière, le professeur Dorothée Nshimimana, considéré comme la mère des enseignants du Kiswahili du Burundi, demande au gouvernement de recruter les diplômés en Kiswahili qui sont maintenant dans la situation de chômage et de corriger les irrégularités qui figurent dans les manuels scolaires, notamment de l'enseignement fondamental. Nous avons dépassé la période pendant laquelle l'usager de cette langue était vu comme un escroc. Nous sommes dans une période pendant laquelle nous avons des docteurs en Kiswahili. Après 3 ans, nous aurons des docteurs. Tous les travaux présentent des irrégularités. Dans ces manuels du fondamental et post-fondamental, il s'agit de cela. Quand elles sont constatées, il est préférable de les corriger. Et le représentant du ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique dans ces festivités, Oscar Mushengezi, tout en soulignant son importance, a indiqué que le gouvernement burundais s'est engagé à faire tout son possible pour sa promotion. Si nous aimions le Kiswahili, sans doute que nous serons en train de lutter pour notre indépendance idéologique, parce que nous serons en mesure d'accomplir toute activité de développement en Kiswahili. Le gouvernement burundais fera tout son possible pour sa promotion. Les festivités dédiées à cette journée se sont déroulées à l'Université du Burundi au campus Mutanga. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Radio Isanganiro, journal continue. Les citoyens burundais accueillent différemment la vente des immeubles aux étrangers. Certains habitants de Rumonge considèrent qu'une telle transaction ne cause pas de problème quand cela s'inscrit dans le développement du pays, tandis que d'autres indiquent que c'est tout simplement vendre le territoire d'un pays. Suivez-les. Étant donné le surpeuplement qui se trouve dans notre pays, il y a un grand nombre d'habitants par kilomètre carré. Alors, penser à vendre une superficie à un étranger, c'est une chose vraiment qui n'est pas bonne. Mais toutefois, ça peut être réglementé. En tout cas, ce n'est pas avantageux pour le pays vendeur. Ça peut se faire dans le cadre d'un projet de développement. Il faut le faire dans le temps et dans l'espace pour que, une fois que ça s'impose, on peut réviser après cette échéance qui a été choisie au départ. À ce que je vois, apparemment la Tanzanie est sans doute en avance à ce qui concerne la protection de la richesse du pays. C'est compréhensible parce que la Tanzanie a déjà connu une grande période de stabilité politique, alors que chez nous au Burundi, on a connu beaucoup de périodes de conflits. Alors, il se voit qu'au Burundi, il y a un peu de libéralisme. Bon, ce n'est pas pour les chasser, mais il y a des lois. Une fois appliquées à la rigueur, il n'y aura pas d'injustice contre eux, mais ces lois nous pousseront à renforcer la protection des richesses de notre pays. Je dirais que ce soit l'achat ou la vente des terres burundaises aux étrangers, en soi, ce n'est pas un problème. Un Burundais peut vendre une propriété dans la limite de la loi. Si, par exemple, on vend une parcelle à un Kenyan, ou à un Turc, ou à un Américain, qui veut faire valoir la propriété qu'il achète pour l'intérêt supérieur de son business, mais un business qui ne met pas en cause la souveraineté nationale et la dignité du Burundi, ce n'est pas un problème. D'ailleurs, ça a une valeur ajoutée par rapport à considérer cette parcelle qui passerait des dizaines ou des décennies d'années en jachère avec des herbes qu'on va couper régulièrement, mais ça aurait une moindre valeur par rapport à vendre cette propriété à quiconque a les moyens pour mettre en valeur cela. Le problème surgirait lorsque des gens, pour des raisons diverses, vendent des terres nationales dans les coulisses, sans respecter la loi nationale, sans respecter les normes exigées par le pays. Donc, le Burundi peut compter sur les gens qui amènent des capitaux, qui auraient probablement des places ici et là, en respectant, je le souligne, la loi et la souveraineté nationale. Et certains Burundais ont acquis des propriétés foncières en République démocratique du Congo dans la localité du Sud Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Les autorités administratives de la localité confirment qu'un étranger peut avoir droit à une propriété foncière malgré certaines restrictions prévues par la loi. C'est un reportage de Jérémy Kouima, notre correspondant en RDC, lecture au studio avec Omen Douayo. C'est vers les années 1996 qu'un bon nombre de réfugiés burundais sont arrivés sur le sol congolais, plus précisément dans le territoire d'Uvira. Les uns ont été transférés à l'étranger et d'autres se sont rapatriés au Burundi, selon celui-ci qui s'exprime sur les micros de notre confrère Jérémy Kouhima. Les Burundais qui ont fui en 1970, ceux qui ont eu les moyens et qui ont acheté en respectant les normes, ils ont acquis leur terrain et les gardent encore sans problème. Seulement à cause de la guerre de 1996, plusieurs ont fuient les pays, mais ils gardent encore leurs propriétés s'ils ne les ont pas vendues. Il y en a qui sont gardés par des locataires et d'autres par des amis et connaissances. Selon un acteur de la société civile, la République démocratique du Congo reconnaît les statuts des réfugiés et respecte leur patrimoine. C'est une question qui a fait actualité après 1972, mais la RDC, à l'époque, le Zaïre et reconnaît qu'il y a des réfugiés burundais qui ont fui leur pays et venir trouver asile au niveau du Zaïre. Il y a des réfugiés qui ont acquis ou qui ont trouvé des maisons, qui ont des adresses ici à Uvira, peut-être à Bukavu, peut-être au niveau du territoire de Fizi, et ces réfugiés jouissent de leurs biens. L'étranger ne peut pas avoir une propriété perpétuelle en République démocratique du Congo, explique Maître François Igirima, juriste. En droit foncier, il faut savoir d'abord que le sol et le sous-sol est une propriété privée exclusive de l'État congolais. Cette propriété est inaliénable, imprescriptible. Exceptionnellement, certaines dispositions qui accorde les droits de propriété aux seuls Congolais. C'est un droit de propriété perpétuelle pour les étrangers et ne peuvent pas avoir, en vertu de la loi congolaise, la loi foncière, ne peuvent jamais avoir la propriété perpétuelle, c'est-à-dire les droits de fonds ou les droits fonciers. Selon ce juriste, les étrangers vivant au Congo ont droit à une propriété foncière durant un délai déterminé par la loi. Merci Omer Douayou. Et le ministère de l'Intérieur et du Développement communautaire et de la Sécurité publique menace les responsables de l'administration qui a posé les signatures sur les contrats d'achat des propriétés foncières pour les étrangers lors d'une descente ce lundi dans la commune Ousiga de la province Ngozi, accompagnée par d'autres ministres, y compris celui de la Justice. Et le ministre Martin Niteretse a expliqué que les étrangers n'ont pas droit à acheter une propriété foncière. Il a ajouté que ce qui est possible, c'est l'emprunt pour l'exploitation. Ministre Martin Niteretse a réaffirmé encore une fois dans la province d'Oromongue ce vendredi que les étrangers n'ont pas droit à acheter une propriété foncière. Les effectifs des malades mentaux augmentent de plus en plus en province de Gitega, à propos du directeur du centre de soins mentaux de Gitega qui parle de plus de 4000 malades mentaux de Gitega déjà soignés dans ce centre. Il demande à ceux qui ont des malades mentaux de les faire soigner à temps. De son côté, un expert psychologue dément les croyances qui indiquent que les maladies mentales sont causées par des démons, des mauvais esprits et fantômes, mais qu'elles sont plutôt le résultat d'accumuler des événements traumatisants non traités chez une personne. Gérald Nibigir. Le directeur du centre des soins mentaux de Gitega, frère Adereba Mendubgenge, dit que les effectifs des malades mentaux augmentent de plus en plus dans la province de Gitega et s'étonne qu'un jour, 60 malades mentaux ont été enregistrés dans la seule zone de Gwisabi en commune Mutaro. En outre, sur plus de 7000 malades mentaux déjà soignés à ce centre depuis sa création en 2011 et jusqu'à présent, plus de 4000 sont originaires de la province de Gitega. Ceux qui ont fréquenté notre centre, nous arrivons au nombre de 7151 patients. Dans la province de Gitega, c'est aux environs de 4500 comme ça. Nous disons à toute personne qui voit un malade mental de l'amener dans les centres spécialisés. Le CNPK a ses antennes comme le centre de soins mentaux de Gitega, le centre neuropsychiatrique de Ngozi. Quant à lui, le psychologue Alexis Nibigira demande les informations à Gake. Les maladies mentales sont causées par les esprits mauvais, des démons et des fantômes, mais précise qu'elles sont plutôt causées par des cumuls deux événements traumatisants. Ça peut être lié aux événements du passé comme les tueries, être déplacé, les viols, les enlèvements, les trahisons, les guerres, les pillages, les mutilations, la torture, entendre les mauvaises nouvelles ou bien entendre les gémissements des personnes en agonie, les violences basées sur le genre, les déceptions, la pauvreté, l'injustice. Cela n'a rien à voir avec les démons. Ce sont des expériences traumatiques que nous avons encourues dans le passé qui sont à l'origine de l'état de ces problématiques. Et si cet état n'est pas encore traité, on évolue vers alors les psychoses. Il conseille toute personne atteinte du traumatisme et des maladies mentales de faire recours au personnel spécialisé. C'est pour cela que s'il y a une personne atteinte de la maladie mentale, doit être aidée, doit être appuyée, doit être accompagnée pour avoir un traitement efficace au niveau des centres neuropsychiatriques. Et au niveau communautaire, pour les tas de problèmes problématiques, ils peuvent être aidés par les services sociaux qui sont disponibles dans la communauté par les assistants psychosociaux et les psychologues. C'est au terme d'un atelier de deux jours qui a pris fin ce jeudi à Gitega sur le lien entre la santé mentale et le développement organisé par l'association Tugenderubuntu pour la consolidation de la paix au Burundi à l'intention de l'administration, des officiers de police et des partis politiques, des confessions religieuses et de la société civile de Gitega. Depuis Gitega, j'ai Anibigira pour la radio Isanganiro. Merci à Gérald Nibigira. Et bien voilà, c'est pas ce que nous mettons en point final à ce journal. Et merci à vous de nous avoir suivis. Et bonne suite de nos programmes. Au revoir.